Ici Pauline Marois, la première ministre du Québec. Je veux vous souhaiter un bon Noël et une bonne année rétroactif. Rétroactif et ayant cours pour toute l'année qui vient, 2013. Bonne année. Son talent d'intervieweur redoutable et de sex-symbole au regard flou dans le magazine Clin d'œil. Voici votre animateur, Jean-Philippe Gauthier. Là, ça va? Ah. Bonsoir tout le monde, il est à peine 18h et la veillée est encore jeune, ce qui va nous donner amplement de temps ah ouais. De se remettre de l'année 2012. Ouais, une belle année. Très belle année. Hey, c'est le fun, hein, plein de monde qui nous applaudissent de même. On se sent comme Lino Zambito, tout le monde en parle. Oui. Hey, hein? Qu'on est fiers de ça. Merci d'être venu en si grand nombre au bar chez Roger Rubaubien à Montréal. Fred Savard, bonsoir. Bonsoir. Voulez-vous que je vous dise quelque chose? Ouais. Vous avez l'air d'un homme détend. Ben non, ben, je comprends. J'ai réussi à passer l'année sans avoir été nommé à la commission Charbonneau. Hey. Et ça, c'est un exploit, ben, ça. Je comprends. Hey. Puis en plus... Peu ont été épargnés. De moins en moins. Non, mais ça revient en janvier, cette affaire. Oui, ouais, non, mais ça, j'avoue. Ça revient en janvier. Puis en même temps, il n'y a pas eu de fin du monde. C'est quelque chose, c'est ça. C'est vrai. On est plus chanceux d'être ça. Ben oui. Hein? Puis en plus, là, ça fait au moins 10 jours que le PQ n'a pas reculé sur quelque chose. Ah, peut-être. Hey. Fait qu'on a eu une fin du monde, finalement. Ça doit être ça. Ah, puis, vos fêtes à date, ça a l'air de quoi? Mes fêtes. Féerique. Tout d'abord, j'ai eu le cadeau que j'attendais. Ah, oui. Ah, le dernier livre de Jean-François Lisée, Comment mettre la gauche KO en 2 versements sur 13 mois. Ah! Hey, c'est bon! C'est bon! Ça doit être bon! Ben, quoi? Y a-tu des images? Ben, y a plusieurs images de lui. Ah, c'est comme, tiens, rien que lui, ma gars. Puis en plus, c'est écrit en petit caractère. Ah, ouais, hein? C'est comme si. Je dois pas être assez intelligent pour ces livres. Probablement. Je comprends pas. Vous, vos fêtes, Fred? Ah, ben, moi, j'ai fait du bénévolat pour Nez Rouge. Ah, ça, c'est le fun. Oui. Ça, c'est le fun. Avez-vous reconduit des gens qu'on connaît? Oui, Daniel Breton, 4 fois. C'est pas remis de sa démotion, hein? Ah non, c'est pas ça, on a fait 4 voyages de bouteilles vides, hein? Il trouvait que ça revenait moins cher qu'un loin camion. Oui, je peux comprendre. 2013 arrive en grand pas. Et l'heure est au bilan. Oui. Notamment pour le PQ, on en a parlé. Et le PQ, d'ailleurs, qui est rendu à moitié de son mandat. Je pense. Oui, ouais. Sinon à la fin, là, je veux dire. Maximum! Alors, regarde, c'est parce qu'en même temps, Pauline, elle n'a pas chômé. Ouais. Hein? Regardez, elle a fait. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a abrogé la loi 78. Ouais. Hein? Elle a fermé Gentil 2. Ouais. C'est pas rien, ça. Elle a changé le nom de la taxe santé. Ben regarde, oui, c'est gros, ça. Non, non, mais ça s'appelle. C'est gros! Ça s'appelle la contribution santé, maintenant. Je le sais. C'est rendu le fun de payer. Ah, ben non, mais c'est un party. J'ai-tu hâte au mois d'avril? Ah, j'ai hâte! Regarde, on se fait tout imparter mon pain. Garde ça, toi. Donc, non, mais c'est comme ça. Bref, Pauline a tout fait en 2012 et on se demande qu'est-ce qu'elle va faire en 2013, bien honnêtement. Ben, travailler d'arrache-pied pour détruire l'économie, non, voyons. Franchement, Fred, ça, c'est tellement de mauvaise foi. Moi, je connais quelqu'un qui a travaillé d'arrache-pied en 2012. Ah oui? Oui. Oui. C'est ça, Rocco Magnotta? Bon, Fred! Première. Je savais que vous alliez être de mauvais goût ce soir. Je le savais. Non, premièrement, j'ai dit arrache-pied au singulier. Ah, donc, faut pas Lucien Bouchard! Ah, franchement. Ben non, franchement, je parle de Jean Charest. Ah oui, lui. Grosse année pour Jean Charest. Ben, oui. Il en a fait des choses, Jean, vous le savez. Il a fait le plan Nord, hein? Il a fait le plan Nord. Oui. Puis aussi son gros projet, là, plus au nord. Oui. Le plan Nord. Oui. Hey, il a pas chômé. D'ailleurs, vous lui donnez combien à Jean Charest? Combien? Vous, Fred? Un très petit 8. Ah, un petit 8 sur 10, ça. C'est une belle note, pareil. Non, mais ça se peut pas qu'il ait juste fait ça en 2012, Jean Charest. Ben, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il a combattu l'obésité chez les étudiants québécois. C'est vrai, il les a fait marcher. Oui. C'est niaiseux. À tous les niveaux. Regarde, non, mais ça a fonctionné. Et parlant d'obésité, ben, les États-Unis ont aussi tenu des élections cette année. Et c'est Barack Obama qui l'a remporté de très peu, d'ailleurs. Oui, enfin, maintenant qu'il est élu pour un second mandat, il va commencer à faire des vraies affaires, là, des affaires concrètes. Oh, mais Fred, ben là, premier mandat, là, il y a quelque... Obamacare, c'est lui, ça? Ouais. Le plan Nord, ça doit être lui aussi, sinon. Non. On fouille, là. Dans le premier mandat, d'après moi, il a fait juste des beaux discours puis il nous a envoyé des belles photos de Michel. Ah, mais ça, par exemple, hein, c'est-tu beau, ça? Ils ont l'air en amour, ces deux-là. On dirait. C'est quasiment vrai. Non, mais en tout cas, non, mais il y a une chose qu'on doit y donner. Il n'y a pas d'allégation de corruption qui tourne autour de lui. Ça, c'est vrai, on va se le dire. La corruption en 2012, franchement, on en a entendu parler. D'ailleurs, à la veillée est encore jeune, on a décidé de nommer la corruption la personnalité de l'année. Ouais, hein? Bravo! Oui. C'est C'est drôle parce que moi, j'aurais nommé l'intimidation, moi. Oui, ben, l'intimidation aussi, ça a joué. On se rappelle, le 1er janvier l'année passée, ça a commencé de même. Ben, je ne sais pas si vous vous rappelez de Mike Ward, qui avait, le 1er janvier, dans le coin du bye-bye, souhaité un cancer à Joël Lejean. Ben, ouais. L'as-tu pogné? Non. La Joe, vous voulez dire? Oui, oui, oui. Ah ouais, OK, OK. OK. Non, quand même. Ça nous aurait peut-être fait un meilleur Gémeaux. En tout cas, regarde, c'est pas la question. Non, mais c'est vrai qu'on a l'impression que tout le monde a été, à peu près tout le monde a été intimidé. Mais c'est parce que c'est pas une impression, c'est vrai. Ah. Je disais, regardez là, il y a eu Marie-Hélène Thibert, il y a eu Laurent Proulx, il y a eu Jean-François Moras, évidemment. Il y a eu Richard Martineau, il y a eu Sophie Durocher, il y a eu Lynn Beauchamp, il y a eu Matricule 728. Ah ouais, non, les gens ont été vraiment méchants avec lui. Hein. Ah oui, oui, Matricule, ce maison. Non, ils n'ont pas été fins. C'était pas cool. Non, c'était pas très gentil. Zéro. Surtout Laurent Paquin avec sa chanson sur YouTube. Ah ouais. Au moins, il l'a enlevé, il a reculé. D'ailleurs, on soupçonnait qu'il voulait rentrer au PQ, lui. Hein? Reculer de même. Là. Ouais, non, mais ministre de l'humour. Oui, ministre de l'humour, ça serait pas une mauvaise chose parce qu'on le sait, en 2013, ça va être une piètre année pour l'humour. Ouais. Surtout depuis qu'on a appris qu'André Boisclair s'en allait à New York. Ouais, ouais. Gars. L'homme à la mèche la plus courte au monde. Oui, la mèche la plus courte. En fait, je pense qu'il n'y a même pas de mèche pantoute, lui. Hein? Ah non, lui, c'est juste du gaz. Pouf! Ah. Une fracture tout de suite de même. Ouais. C'est normal, il est de mèche avec l'industrie. Vous êtes le seul des années 2000, Fred. Oh, extraordinaire! Okay. Hey, j'avais dit qu'il n'y avait pas d'imitation dans ce show-là. Ah, okay, on n'a pas respecté notre promesse. Toujours est-il que dans le domaine de l'humour, on va rester là. Ben, on a appris que la fréquentation touristique n'a pas été si mauvaise que ça à Montréal, finalement, malgré le terrorisme étudiant. Non, mais pourtant, la Chambre de commerce de Montréal a dit que ça allait être l'Armageddon cet été. Ouais, mais les chiffres prouvent le contraire. Les maudits chiffres, hein, c'est bien maudit quand tu veux faire peur au monde. Yeah, c'est ça qui est maudit. Oh, non, mais imaginez, là, mais pensez-y. Là. Pensez-y s'il n'y avait pas eu de manifestation puis de terrorisme étudiant, les milliards de visiteurs qu'on aurait eu et les milliards de retombées. Hein, pensez à ça. Hey, Gilles Surprenant aurait pu charger 6% au lieu de 3. Hey, hey, à cause des étudiants. Ça, c'est de l'argent, ça, Fred. Hey, Colin. On se contente de peu au Québec. Ouais. C'est pour ça que Jacques Villeneuve s'en va, d'ailleurs. Ah, moi, je trouve que c'est en le gardant. Moi, je trouve que c'est en le gardant qu'on se contente de peu. C'est mon avis. Oui, bien, regardez la vôtre. Moi, je ne partage pas ça, Fred, vous le savez. Parlant de faire sa juste part, ben, il y a nos athlètes canadiens qui ont fait la fierté du Canada aux Jeux olympiques. Jeux olympiques, quand ça? Ben, c'est vrai que c'est cet été, à Londres. Ah oui! Ben oui, oui, voyons, oui. Voyons. Hey, non, j'avais Fred, oublié ça, ça fait longtemps. Vous aviez oublié ça, chanceux. Non, pourtant, le Canada a quand même eu beaucoup de succès. Oui. C'était son programme là, en route vers le bronze. Oui. Hey, Colin! Hey, ça! Hein? Un programme qui n'existe plus? Ben non, malheureusement, je pense que ça a été changé par « T'es mieux d'être en route vers Calgary si tu veux aller à Sochi, mon esti. » Ah oui! C'est un plus long programme. Il est plus long, mais il concerne juste une personne, Maxime Giroux, le patineur de vitesse. Oui. J'espère qu'il a compris, d'ailleurs. Oui. Non, mais il est populaire à Calgary, Maxime. Mais il est aussi populaire que Justin Trudeau à Calgary. Ah oui, c'est vrai. Hey, ça va nous faire tout un premier ministre. Oh. Regarde. Il est bilingue. Bilingue des idées aussi. Oui, oui. C'est le fun. Il y a toute une constitution, on parle de ça. Ben, on l'a vu faire de la boxe, hein, ça en prend une bonne constitution. Ben ouais. D'ailleurs, je me demande s'il n'y aurait pas eu une commotion cérébrale pendant ce combat-là. Gros sujet 2012, les commotions cérébrales aussi. Ouais, mais c'est réglé. Ah. Il n'y en a plus au hockey, des commotions cérébrales. C'est vrai. On est-tu assez bien? Ben ouais. Hein? Surtout la qualité du français dans les médias a quadruplé depuis le début du lockout. Ben oui, hein? Plus de faute de français dans les médias. Non, c'est un gros plus. Non. Mais ça nous a permis aussi de nous concentrer sur d'autres sports. Hein? On a vu le saut en parachute de Félix Baumgartner. Hey, ça, c'était quelque chose. Hein? Ah oui. Écoute, moi, je peux pas croire qu'on a enfin réussi à envoyer un homme sur la Terre. Ah, moi, ça me fait. Ça me fait. Malade. Puis on a réussi, hein? Oh, ouais. Puis il est revenu en plus après. Ouais. Yeah, vous êtes le gars. Non. Et il faut savoir que Félix Baumgartner, c'est le seul être humain à avoir franchi le mur du son en chute libre, à part Gilles Duceppe. Ah, ouais. Puis ça, c'est quelque chose. Hey, non, mais ça. pas de blague. C'est ce qu'on a. Qui ça? Ben, voyons donc. Le prédécesseur de Gilles Payet, Fred. Gilles Payet, c'est pas ça pendant tout. Daniel Payet, pour vous dire comment. Daniel, c'est pour vous dire, hein. Mais ça me dit rien pareil. Ben non, c'est le Bloc québécois, c'est une vieille affaire. Mais peut-être que si je vous disais le remplaçant de Jean Barbe au Journal de Montréal. Ah! Ah oui, oui, oui. Le gars de gauche au Journal de Montréal. Ben, c'est facile, là. Ancien chef du Bloc québécois, ancien député fédéral, qui va être d'ailleurs notre deuxième invité ce soir. Et là, je vous vois faire. Vous voulez savoir c'est qui notre premier invité? Ah oui. Je vais vous donner des indices. Ancien député fédéral également, maintenant chroniqueur dans tous les médias, Denis Coderre. Non. Il est encore député fédéral, voyons. Voyons donc, ça se saurait. On le voit plus à Ottawa. Non, il est rendu maire de Twitter, c'est ça. Ah, pensez-vous que c'est ça? Ça se pourrait bien. Ça se peut. En deuxième heure de cette émission spéciale, on va recevoir aussi Amir Kadir, hein, qui est médecin une journée par mois. Oui, et Gandhi le reste du temps. Oui. Ça doit pas être facile, ça, de Gandhi, 29 jours par mois. C'est rough. C'est la sandale, surtout. C'est top, c'est la sandale. Oui, c'est ça. On va recevoir également Pierre Duchesne, hein, qui est ministre de l'Enseignement supérieur et qui va être accompagné, nous dit-on, par son garde du corps, un membre de la classe. Ah oui. Un bœuf, tu sais. Un bœuf. On va aussi, non, ça me fait penser, là, je vois Gabriel Nadeau-Dubois qu'on va recevoir également à la fin de l'émission, hein, pour terminer notre année. Ah oui, ils l'ont détaché. Bon, je pense que oui. Hein? Non, je pense qu'il avait le droit, mais ça fait partie des travaux communautaires, je pense, Fred. Je sais que ça fait beaucoup de monde, là, ça t'aide là, indigeste, vite de même. Mais c'est parce qu'on a encore du temps, parce que la veillée est encore jeune, mesdames et messieurs. Eh bien, merci. Merci d'être à l'écoute de La Veillée. Bonsoir tout le monde. Merci d'être chez Roger. On est en direct de la rue Beaubien à Montréal. Oui. Qui est déneigé, d'ailleurs. Mon bureau. Ben, ah oui, c'est votre bureau, ça. Je travaille ici souvent. Ah, c'est vrai que ça sent votre parfum quand on rentre ici. Olivier! Oui! L'autre bout de la salle. Salut! Hey, est-ce qu'il y a des choses de spéciales pour cette émission spéciale? Ben oui, entre deux bouchées de pain sandwich, les gens peuvent nous suivre au twitter.com/la soirée ou sur notre site radio-canada.ca/la soirée où ils pourront bientôt voir la vidéo de cette émission de fin d'année. Ah non! Ah. Ouais, c'est comme, filmé? Oui, c'est comme de la radio, mais à télé. Arrêtez c'est donc! Capoté. Fallait se mettre beau. Oui. Ah, c'est plate pour Fred? Oui. Bon. Elle était facile, ouais. Mais elle était drôle. Ouais. Hey, non, mais grosse année d'actualité. Ben ouais. Tellement que dans le monologue d'ouverture, là, on n'a pas eu le temps de souligner qu'en 2012, c'était l'année du jubilé de la reine. Ah! C'était-tu le fun? Garde. Le party, toi? Hey, garde. Du thé à volonté. Ah ouais. Hey, des biscuits secs. Ouais. De la marmelade en veux-tu en v'là? Des scones oranges. Ah, hey, on a ri que la reine. Moi, j'ai déjà réservé ma place pour le 75e. Ah ouais. Hey, Colin, ça va être la drôle. L'année 2012, on l'a entendu, a été très difficile pour l'économie, mais surtout pour l'économie du cinéma québécois. Ouais. Hein. L'intellectuel de renommée internationale, Vincent Guzzo, a notamment lancé un genre de cri du cœur à l'effet qu'on aurait besoin de plus de films sur le hockey et de moins de films d'auteurs. C'est vrai. Marc Cassivi a aussi écrit sur le sujet, mais on ne l'a pas lu. Non. Ce qui nous a inspiré notre palmarès de fin d'année. Alors, voici notre top 10 des suites de films qui pourraient revitaliser le cinéma du Québec. En 10e position, Bilbo le Hobbit, une défaite prévisible. C'est l'histoire de Raymond Bachand qui perd sa course à la chefferie et lance un spell à Philippe Couillard. Ah. Très bon. En 9e position, À vos marques, partez 4. C'est l'histoire d'un ancien chef péquiste qui s'en va à New York. Ah, ben c'est comme un Sex and the City, ouais, finalement. Ouais. Non, mais hey! Ouais. Non, mais... C'est bon, Sex and the City. Non, mais il fait plus le party, par exemple. Ah non, c'est pas... C'est party EZ. Ah, OK, À vos marques, repartez. OK, excusez-moi. C'est ça. Okay. D'ailleurs, faudra en faire un cinquième avec Jacques Villeneuve. En 8e position, oh mon Dieu, que ça va être bon, ça. Jesus de Montreal, the sequel. Michael Applebaum s'auto-crucifie sur le Golgotha de l'Hôtel de Ville et Louise Arel est touchante dans le rôle de Marie-Madeleine. Ah! Gérard Tremblay ferait un bon Ponce Pilate, hein? Il aime ça se laver les mains. Oui, j'avoue. Très bonne, Fred. En 7e position, Crazy, la suite. Les folles aventures de Geneviève Sabourin à New York. Ah, ouais. Paraît qu'Alec Baldwin serait très bon dans le rôle de soutien. Ouais, mais il sait pas qu'il est dans le film. Non, ça a été filmé à son insu, je pense. En 6e position, L'Empire bossé 2, 3 et 4. Guy Lepage est aussi mauvais que dans le premier, mais encore une fois, personne n'ose le dire. Sauf nous! Non, mais nous, c'est de l'humour. Ah oui, c'est oui. Comme Danny Turcotte, en ah, fait. Oui, oui. En 5e position, Camping Sauvage 2. Guy Lepage est aussi mauvais que dans le premier, mais encore une fois, personne n'ose le dire. Et en plus, il reçoit du financement. C'est scandaleux. En 4e position... tu voulais de la lire, celle-là? Oui. La moitié droite du frigo. Un médecin spécialiste meurt de faim parce qu'il poigne la moitié du frigo où il y a juste les condiments. Ah. En 3e position, comment ma mère accoucha de nous durant sa préménopause? Documentaire sur la grossesse de Céline Dion. Bon. Je sais pas si Renan Gélis est aussi bon comme père et comme mafieux. Moi, je pense que c'est quand il y a du texte qui est moins bon. En 2e position, Léolo 2. C'est l'histoire touchante de Léo Bureau-Bloin qui s'en va à la chasse aux vers de terre et ne trouve que des consensus. Ah, ouais. Ça va être long, et... ah! Ça a beaucoup ri dans le coin de Gabriel Nadeau-Dubois. Ouais, c'est moi qui... Il l'a vu en première, déjà. Le premier médiatique. Et le premier film qui pourrait revitaliser le cinéma québécois... Opération Beurre de Pinot 2, documentaire social qui suit l'ancien ministre Daniel Breton pendant ses 3 repas de la journée. Franchement, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Voyons donc. OK, Fred, présentez-nous notre premier invité. 2012 a été une grosse année pour lui sur Twitter, un peu moins à la Chambre des communes. 2013 pourrait le ramener sous les feux de la rampe à la mairie de Montréal s'il finit par se brancher. Accueillons M. Denis Coderre! Ça va bien? Très bien vous-même? Oui, ça va bien. Ah, c'est donc mal fun de vous recevoir. Ouais. Arrêtez donc, c'est vrai? Ouais. Mais j'essaie de vous copier, vous avez une belle chevelure quand même, vous. Hein? Ouais, c'est bon. Quel âge vous avez? Quel âge me donnez-vous? 49. 49? Ouais. Bah, j'aimerais ça vous ressembler. Qu'est-ce qu'on retient de votre année 2012, M. Coderre? C'est une année de réflexion, mais une année de spaghetti. C'est un euphémisme. Une année de spaghetti. Ouais. Faites attention. Qui n'était pas de spaghetti, attention. Oh, pardon. OK. Oui. Ah, tu fais bien ça. Non, mais je sais. Je fais souvent ça. C'est une année de déception aussi parce qu'on a beau eu beaucoup de choses au niveau du Québec, mais au niveau d'Ottawa, il s'est passé de très vilaines choses. Ben parce que j'ai l'impression que les gens ont retenu de l'année 2012 que Denis Coderre n'était pas capable de se brancher. C'est un peu ça qu'on a retenu en 2012. Je me trompe-tu? Oui, tu te trompes. Ah, bon. Je me doutais bien. Je me doutais bien. Non, mais quand même, on a eu l'impression que... Non, c'est parce que t'es trop pressé. C'est-à-dire? Il ne faut pas être pressé. Dans la vie, il faut prendre son temps. Ouais. Ben on a une job à faire. Je comprends. Parce que si j'avais déjà donné une décision, puis j'étais déjà en campagne municipale, tu aurais dit, ben, tu as un salaire de député, puis tu te sers de ce salaire-là pour faire ta campagne. Hey, voulez-vous que je vous dise quelque chose? J'ai l'impression que vous êtes en campagne, puis je vais vous dire toutes les mêmes affaires. J'ai l'impression que vous servez de votre salaire pour être un peu en campagne. Non, parce que je fais la promotion de Radio-Canada, c'est fédéral, ça? C'est, ben, oui, non, je veux bien croire, mais en même temps, on je vous protège, voit Je protège ton émission, c'est mais bon? Ça, c'est... Vous faites vraiment ça à Ottawa? Ben voyons. Ben restez donc là. Dans les deux langues. C'est ce que tu veux? Ben, je me dis... C'est pas ça que tu m'as dit l'autre fois? Je ne dis l'autre jamais fois, rien. L'autre fois, tu m'as dit, Denis, on te verra à Montréal. Ben, j'ai dit ça, ben oui, de être chaud raide. Mais, ça non, parce que... Ça semble bien que tu m'as offert la première moi, émission, ça doit être pour ça. Le 9 novembre, là, on s'attendait... J'étais là, le 9 novembre, on a été extrêmement déçus. Oui. On s'attendait à ce de que la vous... Les deux. OK. Vous aviez dit que le 9 novembre, vous annonceriez votre décision. C'était un gros mensonge, ça, finalement. Non, parce que, en fait, je l'ai annoncé une semaine avant. Qu'est-ce que vous avez dit? Que je n'étais pas candidat à la chefferie. Oh, que c'est plate. Vous avez fêté vos 15 années de vie parlementaire. Les célébrations ont été à la hauteur? Soyons sérieux, il y avait 1300 personnes. C'est un moment de dire merci à sa population. Ouais. Parce que, dans le fond, c'est unique d'être élu, mais de durer aussi, c'est important. Puis ça, c'est à cause de la confiance des gens. Et à la lumière de ça, j'ai dit qu'en 2013, que j'envisageais d'être candidat à la mairie. Je l'ai dit. Écoutez, non, je vous le dis. Il y a quelque chose qui m'intéresse quand même, c'est que, bon, dans cette soirée-là, il y a eu Justin Trudeau qui était à côté, qui était prêt à voter pour vous si vous vous présentiez à la mairie. Est-ce que... Il y avait hâte? Il y a hâte que je m'en aille? Bien, c'est ce que j'ai l'impression. Okay. Mais est-ce que le contraire est vrai? Est-ce que vous allez voter pour M. Justin Trudeau à la course à la chefferie du Parti libéral du Canada? J'ai pas pris de décision encore. Non, arrêtez donc! 2014. Vous êtes donc bien difficile à convaincre! C'est en 2000, non. C'est en 2013. Non, mais peut-être Martin Cochon qui va y aller. Ah, aussi? Ah, vous avez des petits contacts à alors, l'intérieur du parti? Alors, on va voir. Ah, ouais? Non, le 14 janvier, ça va être la journée fatidique où on va avoir les candidats, mais par la suite, regarde, Justin est en avance, ça, pas mal clair, là, mais ça prend des d'ailleurs, idées. D'ailleurs, c'est-tu le fait que Justin soit en avance qui vous a décidé de vous en aller dans votre plan B, là, la mairie de Montréal? Non? C'est pas un plan B. Vous êtes certain de ça? Parce la ville que de Montréal, c'est pas un plan B. Parce que, non, c'est pas un plan B. C'est un plan C cette année, à date. Là. Oui, c'est le plan C pour Coderre, c'est ça? Non, non, non. Les 100 premiers jours de Denis Coderre à la mairie de Montréal, ça va ressembler à quoi? Les 100 premiers jours, si j'y allais, c'est pas compliqué. C'est une question de gouvernance. Et la première chose, c'est que les gens... Les Montréalais sont blessés présentement. Les Montréalais sont cyniques et avec raison. Mm-hmm. Et les Montréalais veulent avoir des résultats en termes de gouvernance. Alors, la première chose qu'on doit faire, c'est de régler la question de la collusion et de la corruption. Oui, mais ça, vous l'avez dit. Ben non, mais écoute... Faut leur dire encore? Il faut toujours se le dire. Mais ça, c'est important. Et là, la question que moi, je me pose, là, on a appris récemment qu'il y avait une conseillère de Mme Louise Arel qui avait démissionné. Une bonne amie à vous, je pense. Annie Sanson, oui. Très bonne amie à moi. C'est-tu un lien? Y a-tu un lien? Je lance ça. Est-ce qu'il y a un lien? Non. Y a-tu un lien? Y a aucun lien. Aucun lien? Y a aucun lien. C'est bête dans même la politique. Je suis marié. Ah, ben non, ben attendez un peu. Annie Sanson, écoutez, ça fait 17 ans qu'elle est là. Moi, je la connais, ça fait plus de 30 ans. Elle était à la commission jeunesse des libéraux lorsque j'étais président. Et c'est quelqu'un qui a toujours été... qui donnait son opinion. Puis, écoute, quand ça ne marche pas, ça ne marche pas. Vous voulez avoir des politiciens qui disent ce qu'ils pensent, bien, elle dit ce qu'elle pense. Est-ce que vous la voyez dans votre équipe à la mairie de Montréal? Si je suis candidat, c'est clair que j'aimerais avoir une femme d'expérience. Puis, écoutez, elle a fait beaucoup pour Villeray-Saint-Michel, les papes extensions. J'ai assez hâte que vous preniez votre décision, là. Parce que j'ai l'impression de faire les mêmes entrevues avec vous. Sans arrêt. Tu m'invites d'abord? Je sais pas, ça doit être une pression. Ah! Non! Ça doit être parce que t'aimes ça. Jean-Philippe? Non, parce que, ouais. Il y a une raison pour qu'on l'ait invité. Quoi? Ça a été notre premier invité. Ah non. Oui, c'est la seule raison, hein. Ben, ah oui, c'est pour boucler la boucle. Mais c'est vrai. Non, mais j'ai une dernière question pour vous. Est-ce que vous avez une résolution pour 2013? Bien là, il faut que je me rachète des meubles. C'était à la fin du monde, le 21, fait que j'ai tout vendu. C'est ça. J'ai loadé ma carte de crédit, moi, il faut que je rembourse. Je suis fait. Non, je pense qu'en 2013, il va y avoir des décisions. C'est sûr que Montréal va être une priorité pour moi. Et puis, on se reparle après le 14 avril. J'ai dit que j'étais... Quand tu es député depuis 16 ans, ouais. Quand tu es membre d'un parti depuis 30 ans, le minimum, il y a des valeurs qui s'y rattachent. Ça s'appelle la loyauté, le devoir et le respect. Alors, là, on est en effervescence. On a Harper qui fait ses niaiseries pendant ce temps-là. L'effervescence du leadership, c'est pas rien. C'est un candidat à un possible premier ministre en attente. Alors, ce qu'on veut pendant ce temps-là, c'est d'être aussi un chien de garde pour protéger les intérêts des Québécois à l'intérieur de la Chambre des communes. Alors, après ça, on se fait un autre party spaghetti. Je checkerai ta couette encore, puis ça va me faire plaisir. Je ris, mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui court dans la vitre en arrière. Il est tout nu? Non, il est habillé, c'est ça qui est spécial. Okay. Puis il sait pas que c'est de la radio. Il sait pas que c'est de la radio. Ah oui, il y a le bout de radio qui savait pas. Mais, M. Godin, merci énormément. Merci. Vous restez avec nous. Je devrais-tu? Bien, j'espère. Ben, on va recevoir, monsieur. Bien, je suis un peu tanné parce que vous nous dites jamais rien. J'attends que vous nous révéliez quelque chose. Si je dis jamais rien, je peux m'en aller tout de suite, si tu veux. Mais pourquoi vous acceptez toutes les invitations? Pourquoi tu m'invites? Hey, là, c'est un cercle infini, cette affaire-là. Mais c'est ton problème. Écoute, j'avais d'autres choses à faire, mais ça me fait plaisir d'être avec toi. Ça nous fait plaisir de vous recevoir, monsieur le maire. Ouais, alors, vous restez avec nous. Ça... Bienvenue dans ma ville. Oh! Là, on a quelque chose. On a quelque chose, je pense. vous le savez, Sagard a été mis sur la map cette année. J'ai jamais été. Arrêtez donc. Ben non. Ah, ben vous pourrez pas être premier ministre. C'est beau, j'ai vu le document. Ben, ah oui. C'est ça. On va rester à Montréal. Sagard a été mis sur la map cette année alors que le palais royal de la famille Desmarais a fait l'objet de plusieurs reportages, surtout dans le Journal de Montréal. Et on a découvert d'ailleurs un excellent refuge pour pauvres millionnaires qui se font ostraciser par le gouvernement du PQ. Anonymous a justement mis la main sur un autre film de propagande. On écoute. Les résidences Sagard. Jean Dubombard, vous m'avez rendu service et vous avez besoin de prendre une pause de votre vie de millionnaire entre deux commissions d'enquête. Venez vous détendre, le libéral, aux résidences Sagard. Que vous soyez un éditorialiste à la presse, plusieurs premiers ministres québécois et encore plus canadiens, ou un ancien chanteur qui brasse plus grand-chose depuis 30 ans à part de la bière. Et encore, nous avons 124 chambres pour vous. Comme le montrait la vidéo d'Anonymous, notre salle de réception a été spécialement conçue pour vous divertir dans un mélange de faste et de quétaine. Chaque résident régulier recevra une médaille à épingler sur son suit. Comme le dit souvent mon majordome, « It's really great here ». Et moi de lui répondre, « It's really great west ». Ça a l'air d'être une belle place. J'ai juste vu des photos. Vous irez peut-être. C'est bien gros, ça. Pourquoi j'irais là? Ben, je ne sais pas. Il paraît que c'est bien beau. J'ai mis chez Roger ici. Ah, c'est beau. Vous avez le tour avec les Montréalais. Si l'année 2012 a somme toute été supportable, c'est bien sûr grâce à la présence hebdomadaire de ce géant de l'information. À la soirée, t'es encore jeune. Cette année, hein, sa rigueur journalistique l'a mené, entre autres, à se montrer la zouise dans un festival de naturistes, à accompagner Manon Massé chez l'esthéticienne et également à se faire examiner la prostate avec Michel Blanc. J'ai nommé, évidemment, le beau, le grand, le formidable Jean-Sébastien Girard. Bonsoir, Jean-Sébastien. Ah, bonsoir, Jean-Philippe Vautier. Comment allez-vous? Ça va pas pire. Ça va pas pire. Il est fatiguant, hein? Eh, Seigneur Dieu. Écoutez, honnêtement, je vous écoute avoir du plaisir, rire, vous amuser, mais j'ai quand même une petite pensée aujourd'hui pour les endeuillés, parce que vous savez, l'année 2012 n'a pas été facile pour tout le monde, et souvent, quand on arrive à la fin d'une année, ben, on pense au deuil auquel on a dû faire face au courant de l'année. Alors, j'ai décidé de faire pleurer les chaumières, de faire mousser un peu ma carrière, et d'exploiter le thème du deuil avec des invités célèbres qui ont une année difficile, et j'ai cherché un endroit pour le faire, et je me suis dit, bon, évidemment, le deuil, c'est dans un train, hein, qu'il faut parler de ça. Ouais. Alors, je me trouve présentement dans un train de l'AMT. Je ne sais pas si on va se rendre à destination, mais on va quand même prendre une chance. Donc, tout au long de l'émission, on va recueillir des confessions d'endeuillés. Donc, on va recevoir Françoise David, le bon Dr Barrette, le tout petit Léo Bureau-Glouin. Oh. D'ailleurs, mes invités sont en train de monter. Montez tout le monde! Allez, bon, Dr Barrette, déjà dans le buffet que j'y ai fait, je suis pas mal à l'aise de ça. Alors... Seigneur de Seigneur. Alors, on vous revient dans quelques minutes et on accueille les premières confessions de François David dans On prend toujours un train de l'AMT. Ah! Merci, Jean-Sébastien. Vous écoutez La veille est encore jeune, animée par Jean-Philippe Vautier sur la première chaîne, une émission qui, comme un festin du nouvel an, se compose de dinde, mais à l'année longue. Il n'y a rien à se reprocher, non. Et encore moins à reprocher aux autres. Hein. Il est le Père Noël des pauvres, Fred Savard. Ah, merci encore une fois. C'est tellement agréable de travailler avec vous, Jean-Philippe. C'est réciproque. Oui, pour une cinquième année, je vais reprendre une tradition radiophonique commencée à l'époque où je me faisais aller la verge en votre compagnie, Vautier Niquette, hein, on s'en rappelle, dans une autre émission que nous ne nommerons pas, pour dire, à part pour dire que ça se commençait par sport et ça finissait par graff. Ainsi, en cette période de réjouissance pour nous tous réunis, l'oreille collée sur le cœur, j'offre mes bons voeux du nouvel an à certaines personnes qui ont souvent été la cible de notre humour acerbe, mais le temps est maintenant à l'amour. D'abord, je souhaite que 2013 soit l'année du rapprochement entre les francophones et les anglophones au Québec et parfois même du Canada. C'est vrai, la nouvelle loi 101 est presque rhodésienne pour nos amis anglophones. J'ai lu ça dans le Journal de Montréal. Mais je vois de la lumière au bout du tunnel. Les 110 millions de dépassements de coûts du Centre universitaire de santé McGill nous prouvent que dans le domaine de la collusion, on est pas mal bilingue. Aux joueurs et aux propriétaires d'équipe de la LNH, je ne vous souhaite qu'une chose en 2013, et c'est d'être ce que vous avez été en 2012, parce que grâce à vous, on n'a même plus besoin du PQ pour mépriser les millionnaires. Je souhaite aux 38% de jeunes électeurs qui n'ont pas voté aux dernières élections, malgré l'agitation du printemps érable, de trouver la motivation d'aller voter au moins au prochain scrutin, c'est-à-dire dans 6 mois. Vous n'avez pas à être cynique face à nos institutions politiques, puisque comme le disait si bien Coluche, si voter changeait quelque chose, ça ferait longtemps que ce serait interdit. À tous mes bons amis des radios poubelles du Québec, je leur souhaite sincèrement plus d'auditeurs en 2013. Quant à moins de monde qui t'écoute que le pourcentage d'une marge d'erreur dans un sondage, ça veut dire que des centaines de milliers d'auditeurs n'ont pas la chance de découvrir que les gens bons ne sont pas seulement dans une assiette, ils sont aussi à la radio. À Richard Martineau, je lui souhaite d'avoir encore plus de tribunes en 2013 pour qu'il implose et termine enfin sa longue agonie intellectuelle entamée en novembre 2006. Je souhaiterais bien aussi du bonheur pour l'année 2013 à sa délicieuse épouse Sophie Durocher, mais j'aurais trop peur de l'intimider. Oh, attendez, mon téléphone sonne. Ah oui, c'est elle, c'est ça. D'ailleurs, je nous souhaite en 2013 que cesse l'intimidation à travers le Québec, et particulièrement cette émission. Nous avons fait plusieurs blagues douteuses sur le docteur Barrette cette année. Cessons de casser du sucre sur son dos. Il pourrait se faire une douloureuse hernie discale en tentant de se le licher. C'est la dernière fois. Non, mais faut arrêter. J'en profite pour remercier la NRA pour m'avoir fait allumer que ce sont les jeux vidéo le vrai problème aux États-Unis. C'est d'ailleurs à cause de Pac-Man qu'il y aurait de l'obésité. Bien sûr, je ne pourrais terminer ce premier segment sans offrir également mes voeux à nos deux invités de cette première heure. Monsieur Coderre, je vous souhaite une année de décisions fermes sur votre avenir politique. Sinon, je vous souhaite de vous recycler dans l'industrie éolienne. Avec le vent que vous avez produit en 2012, vous ferez fortune. Monsieur Duceppe, je vous souhaite bonne chance, il s'en vient tantôt. Je vous souhaite bonne chance dans votre nouvel emploi de blogueur au Journal de Montréal, en espérant que vous ne serez pas le Jean Barbe de 2013, mais les chances sont minces, vous ne semblez pas aspirer à devenir le prochain Voltaire des pauvres. Voilà, on s'en parle un peu plus tard. Merci Fred. Eh bien, on en a parlé un peu en début d'émission, mais la dernière année a été riche en citations surprenantes, particulièrement avec le conflit étudiant et aussi la commission Charbonneau. Notre DJ en résidence, Phil Roberge, nous a fait un beau montage des plus belles, des plus belles paroles de 2012. Alors, on tasse les chaises et on danse. Salut mes amis, c'est Justin. Je me présente à la chefferie du Parti libéral du Canada. C'est la droite qui provoque des événements comme ceux-là. Jean Charest. C'est un homme qui veut développer le Québec. Puis sur le dos des jeunes. Alors, à ceux qui frappaient à notre porte ce matin, on pourra leur offrir un emploi. Dans le Nord, autant que possible. Madame Marois m'a demandé qu'on déclenche les élections. Franchement, j'ai trouvé ça ignoble. Il faut que M. Duceppe prenne les commandes. Je considère qu'il est innocent. La chef de l'opposition officielle a choisi de porter le carré rouge. Elle se promène maintenant dans les rues du Québec en frappant sur des casseroles qu'elle n'a jamais demandé aux étudiants de réintégrer leur cours. C'est des hosticons rouges, là. En tout cas, des mangeurs de masse. Je quitterai mes fonctions dans quelques jours. Ça me laisse un peu pantois. 1000 millions de sabords. Pantois. 1000 millions de sabords. Pantois. 1000 millions de sabords. Dans le ravin, avec les caribous, quand j'ai eu vent d'irrégularité, j'ai posé des gestes. Aujourd'hui, le prix à payer C'est l'avenir de la métropole du Québec. J'ai truqué des contrôles. Je ne savais pas. J'ai financé des partis politiques. Je ne savais pas. J'ai corrompu des fonctionnaires. Je ne savais pas. Mais le système était je fait ne savais pas. De telle façon. Je ne savais pas. J'avais pas le choix. Je ne me cache pas, cache pas. Je suis présent, présent, présent. Je ne suis pas malade, pas malade. Ça me laisse un peu pantois. 1 000 000 000 de sabords. Pantois. 1 000 000 000 de sabords. Pantois. 1 000 000 000 de sabords. Dans le ravin, avec les caribous. Pantois. 1 000 000 000 de sabords. Pantois. 1 000 000 000 de sabords. Pantois. 1 000 000 000 de sabords. Dans le ravin. Qui a commandé des rondelles d'oignon? Rondelles d'oignon? Wow! Wow! Il s'en est dit des belles choses en 2012, hein? Ouais. Fred, notre deuxième invité. L'année 2012 aurait pu passer de presque chef du PQ à blogueur au Journal de Montréal. Ça aurait pu être pire, il aurait pu être encore chef du Bloc québécois. Accueillons M. Gilles Duceppe. M. Duceppe. Bonjour. Merci. Bon plaisir. Est-ce que je vous offre du champagne? Ben oui. Ben j'espère, oui. J'espère. Pourquoi pas? Ouais, on passe 2012 qu'une fois par année. Habituellement. Bien qu'une fois, hein, c'est ça. Très heureux de vous recevoir. Ouais, on va faire un toast, monsieur Duceppe, parce que savez-vous que ça va faire presque un an, c'est votre anniversaire du putsch raté au PQ? Je trouve ça le fun. C'est un bel anniversaire. Non, mais c'est un bel anniversaire. Ça, c'est totalement faux. Ça, c'est chiant. C'est vrai. Parce que c'est ça qu'on entendait dire. Ouais, mais il y a beaucoup de gens qui disent des... Des faussetés. Plus que ça, des niaiseries. Arrête je dirais. Donc, vous. Très sincèrement. Ouais, où ça? Ici, là. Ah, ben, franchement! Je trouve ça odieux, quand même. Ah, ben. Écoutez, mais. Je trouve qu'il y a un bon, cette entrevue-là. Ça va bien? Oui, c'est vrai. Ben. Le technicien, juste fermer le micro à Denis. Merci. Cela dit, oui. C'est ce qu'on entendait parler. On vous a attendu à plusieurs reprises à la tête du PQ. Au moins à deux reprises dans les dernières années. Maintenant... Oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi, là? C'est pas moi qui vous dis quoi dire. Ben non, je le sais, mais ça doit être des... Il n'y a pas de fumée sans feu, M. Duceppe. Ah, ça, vous savez, des proverbes comme ça, on peut en faire... les ben multiplier oui, uns après les autres, ça donne pas nécessairement... Donc, c'était pas vrai du tout, vous avez jamais pensé pas, à aller... Pas. D'ailleurs, quand Pauline donne une entrevue dans l'actualité, elle disait que pendant ce temps-là, on se parlait à peu près tous les jours. Oui. Donc, on va vous dire, quand vous faites un push, habituellement, vous ne parlez pas ceux que vous voulez pusher à tous les jours. Mais vous vous êtes quand même présenté, justement, à l'époque où Pauline a gagné la chefferie du PQ, vous étiez présenté quoi pendant 24 heures? Oh, je disais que j'ai fait une erreur. Ouais. Moi, quand j'en fais, je le dis. Mais pourquoi? Moi. Oui, c'est ça. Je sais, Denis Coderre ne fait jamais ça. Mais, je ne parlerai pas de Denis Coderre. Ah non, pas de qui? Arrêtez donc. Ben oui, mais c'est donc bien une première heure. C'est bon, ça fait. On trinque ça. Une bonne équipe. Ouais. Santé. Eh bien là, on a la lumière. On a peut-être un duo à mairie de Montréal. Ah. Oh! Oh! Oh! Ah. J'ai pas du tout l'intention d'être candidat à mairie de Montréal. Vous savez quelqu'un dans l'histoire de Montréal, il y a eu deux équipes solides, si je remonte dans les 50-60 dernières années. Là. Jean Drapeau avec Desmarais puis Saunier, de 54 à 70, je dirais. Après ça, ça s'est gâté un peu. Et puis Jean Doré, de 86 à 94, avec Feinstadt, Perrault et compagnie. Fait que là, ça fait longtemps. On pouvait être pour ou contre ces équipes. Mais c'était des gens préparés, il y avait une cohérence, une compétence. Et c'est ça que ça prend. Mais ça ne se prépare pas en trois semaines, ça? Non, absolument pas. M. Coderre, est-ce que vous êtes préparé? Ça prend plus de temps qu'une émission. Ben c'est ça. Ben écoute, nous autres, ça a pris comme si n'a pas de deux minutes. C'est juste toi qui es pressé. Non, mais c'est parce que si ça prend du temps à préparer une candidature à la mairie, est-ce que vous vous préparez dans les coulisses? Quand là? Ça fait 30 ans que tu es en politique, tu connais un peu ça, la politique. Donc, vous vous préparez. Hein? Quand on envisage, c'est sûr qu'on vérifie les choses. Bon. Merci beaucoup, M. Coderre. On en a appris beaucoup plus. Ça a été un grand plaisir. J'espère. À la prochaine. Donc, c'est assez clair. Vous avez été clair comme Denis Coderre. Vous ne vous présenterez pas à la mairie de Montréal. Ça, c'est clair. C'est ce que je viens de vous dire. Ben, excellent. Bon, ça, c'est clair. Comment ça se fait que la rumeur a été lancée avec Michael Applebaum, qui lui aussi, d'ailleurs, s'est immédiatement empressé de nier ça? Moi, là, j'ai été estomaqué un peu ce matin-là parce que j'avais fait une conférence à l'Université Laval la veille. Oui. Alors, la dernière chose que je m'attendais ce jour-là, c'est de me voir... J'étais rendu maire de Montréal. Michael Applebaum était chef. On avait un cabinet. Ben, c'est le fun, ça. Et j'ai jamais parlé plus que deux minutes dans ma vie à M. Applebaum. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est quand même des symptômes d'une population qui est en manque d'un maire fort. Je veux dire, si on est en train d'imaginer que tout le monde peut devenir maire de Montréal, ça veut dire qu'on en a besoin d'un. Puis vite. Mais... Non, mais la réalité, c'est que tu vas avoir un maire le 3 novembre 2013. Entre-temps, il y a des gens qui sont élus. Tu as une coalition, ils vont faire leur job, puis en temps et lieu, quand il va y avoir une campagne, les gens vont se présenter. Je suis d'accord, mais sauf que ça veut dire que Montréal a besoin d'avoir un candidat. Mais plus qu'un candidat. Moi, je pense que ça prend une équipe, oui. Ça prend une plateforme. Et je le répète, on peut être pour ou contre, mais dès lors que l'on sait ce que les gens proposent. Et les équipes qui sont en place à Montréal, est-ce que c'est intéressant? On va voir ce qu'ils proposent. Vous avez conseillé Pauline dans la dernière élection. Et là, Pauline est maintenant rendue première ministre du Québec. Et on évalue ça comment, ces 100 premiers jours à Pauline? Bien, j'ai écrit que tous les partis, selon moi, sont en apprentissage actuellement. Ouais. Et il n'y en a aucun, d'ailleurs, qui dit vouloir des élections dans l'année qui vient. Alors, si c'est cela, ça impose aux partis de trouver les compromis nécessaires pour servir le Québec. Je ne parle pas de compromission, mais être capable de faire des compromis. Du temps qu'on était au Bloc, qu'on était à Ottawa, moi, j'ai appuyé deux budgets de Harper parce que les demandes que l'on faisait... Étaient acceptées. Ouais. Ben, j'ai négocié longtemps. Moi. Imaginez que vous demandez à l'employeur telle chose, il vous donne 85 % de ce que vous demandez. Et vous dites, j'en veux pas. Mais c'est pas sérieux, c'est pas rigoureux. Donc... Au-delà de l'étiquette, il faut voir ce qui est proposé. Je pense qu'il y avait un apprentissage qui se faisait. Il y a des erreurs de parcours qui ont été faites, qui ont été corrigées, mais on ne peut pas en faire tout le temps. Là. Moi, je pense que la pratique est finie. Ah oui, là, c'est fini. La pratique est finie, là, et on verra l'an prochain ce qui va être fait. Et c'est quoi les conseils qu'on donne à un gouvernement qui vient de passer? Je ne veux pas jouer au beau-père, moi. Là, Ah non? Mais quand je suis d'accord, je le dis. Quand je ne suis pas d'accord, je le dis. J'ai toujours fait ça. Je ne suis pas pour changer. Là. Ben, j'espère que vous allez nous dire et vous allez donner votre opinion. Ben oui, vous êtes rendu au Journal de Montréal. Ben oui, vous savez ce que j'ai trouvé extraordinaire? Au Journal de Montréal, la TVA, il y a des gens de différentes tendances. Jean Parent qui est rendu là, de la CSQ. Il y a Léopold Lauzon, il y a Anne Dawson-Lagacé. Et tant à TVA qu'au Journal de Montréal, aucune censure. Gilles Duceppe, on va vous poser une dernière question. Je ne comprends pas que ce soit la dernière. Mais non! Parce que le temps file, puis en venant, je vois mes boss qui me font des clins d'œil, t'es dehors, fait que je vais me dépêcher. une dernière question. Oh, est-ce que vous avez une résolution, vous, pour 2013? Oui, je tente, et je me force beaucoup, de retrouver le poids que j'avais quand je jouais au football. Wow! Quand vous jouiez au football, j'ai joué ailier offensif intercollégial, deux championnats. J'ai joué au volleyball, un haut niveau. J'ai toujours le record de la Ligue senior de basketball, senior, 43 points. Fait que Et là, je fais en moyenne à peu près 40 km de vélo par jour, à l'intérieur ou l'extérieur. Or, même l'hiver, à l'intérieur. À l'intérieur. Oh oui, 40 km à l'intérieur, tout ça, c'est long, là, c'est long, longtemps. Mais vous pouvez lire en même temps. Écoute Radio-Canada. Et puis, là, j'ai atteint 180. Je jouais à 172, puis j'avais 28 de taille. Ça, je ne reprendrai pas ça. Mais ça, c'est la politique. Mais va vous dire, si à 66 ans, je peux atteindre le poids que j'avais à 20 ans, je serais fort heureux. Bien, on vous le souhaite, M. Duceppe. On vous le souhaite fortement. Merci énormément d'avoir passé un peu de temps avec nous. Vous restez. J'ai pas fait de commentaires sur la résolution de M. Duceppe concernant la politique. Aucun problème. Il n'y a pas de problème là. On va aller retrouver Jean-Sébastien immédiatement. Là, il doit être rendu avec les trains de l'AMT. Ben, à Montréal encore, qu'est-ce que tu veux? Ça doit être ça. Il n'est pas parti encore. Non, c'est ça. Jean-Sébastien? Bonjour, Jean-Philippe. On n'est pas parti encore, évidemment. Il y a un petit peu de retard avec ce train de l'AMT. Et vous le savez, donc, je parle de deuil dans ce train avec des invités endeuillés. Et la première endeuillée qui a accepté de se confier, eh bien, c'est nul autre que Mme Françoise David, qu'on a beaucoup vu cet automne à la télé, à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, quand on ne la voyait pas, elle s'est insérée dans le Kodak pour qu'on puisse bien la voir. Mme David, bonsoir. Bonsoir. Alors, d'entrée de jeu, sans embâche, je vais aborder avec vous un sujet très difficile. Un deuil que vous avez eu à vivre cette année, c'est la perte de votre député. Vous habitez Gouin, vous avez perdu Nicolas Girard. Ben oui. Une grosse perte en moyen. Vraiment, c'est aussi ma circonscription. Depuis plusieurs années, il faisait un excellent boulot. Il allait probablement nous faire un excellent ministre. C'est un papa d'un jeune enfant qui avait besoin d'un travail. Comment vous vivez cette lourde perte, Mme Françoise? Ben, regardez, là, c'est lui qui est le PDG de l'AMT qui nous conduit cet après-midi. Moi, je trouve que c'est pas si mal là, pour se recycler dans la vie, ça. Oui, puis il fait le double de mon salaire en plus. Fait que, d'après moi, ça doit assez bien aller quand même. Mon Dieu, que vous êtes à l'argent, ça me déçoit beaucoup. Aussi, un autre deuil qui vous a beaucoup affligé, c'est le deuil de la pauvreté. Vous gagnez maintenant un salaire de base de 86 242 $. Tabern, c'est de l'argent, puis l'argent, on le sait, Madame David, c'est pas beau. Ma question, est-ce que c'est difficile de faire le deuil de la pauvreté? Et est-ce que, comme le petit Léo Bureau-Gloin, vous allez donner le tiers de votre salaire? Vous pourriez, par exemple, offrir cet argent à des femmes déciduteuses monoparentales excisées analphabètes qui ont des feux sauvages de façon récurrente. Non, honnêtement, c'est la première fois de ma vie que je gagne ce genre de salaire. Fait que le deuil, il n'a pas été difficile à faire. Les bonnes œuvres, il y en avait déjà en masse avant. Il y en a juste le double maintenant. Donc, ça se vit bien. Mais je pense que ce que je veux arrêter d'entendre, en fait, là, dans l'opinion publique, c'est « font donc pitié les députés, faudrait les payer plus cher pour attirer des gens de grande valeur ». Ça, je suis vraiment tannée d'entendre ça. Moi, je considère que je suis pas si pire quand même dans la vie et je gagne le double du salaire que j'avais avant. Moi, je trouve que les députés, on est bien payés. Vous avez oublié quelque chose, d'ailleurs, on a 16 000 $ d'allocation non imposable en notre salaire. Je vous le dis, c'est supposé servir à justement aider plein de gens qui ont de la difficulté. J'espère que tous mes collègues font ça. Non, on est vraiment bien traités, là. On se plaint pas. Bon, il y a toujours de la chicane au jour de l'an. Je suis pas étonné de ça. Néanmoins, François, je vous dis merci beaucoup. Vous nous inspirez beaucoup avec votre résilience et j'espère que vous aurez une meilleure année 2013. Moi, Jean-Philippe, je vous retrouve un peu plus tard avec un autre grand tardelier de l'année, M. Gaétan Barrette. Et n'oubliez pas, Jean-Philippe, que dans la vie, on prend toujours un train. Ah. Merci, Jean-Sébastien. C'est vrai que c'est le fun d'être député. Ben oui. Ouais. Il n'y a rien de plus noble, à mon avis, que d'avoir la confiance des gens. C'est sûr que, comme dans n'importe quel secteur, il y a des gens qui ne font pas leur job, il y a des gens qui nuisent à la job, mais la grande majorité... Regarde, on n'était pas du même parti politique. D'ailleurs, on était candidats un contre l'autre la première fois en 90. C'est vrai, puis je pense que M. Duceppe a gagné. Fred, notre prochain chroniqueur. Il a passé l'année 2012 à nous offrir les meilleurs extraits d'une certaine radio québécoise au prix de longues heures d'écoute qui ont, heureusement, n'ont pas entamé ses facultés intellectuelles. Voici la chronique d'Olivier Niquette. Olivier, oui. Racontez-nous votre année. Ben, c'est une dure tâche que de réécouter les grands moments médiatiques de 2012. Là, c'est qu'après avoir mangé du jambon toute l'année, ressasser tout ça, c'est un peu le jambon qui fait déborder le vase. Ouais. C'est pourquoi je me suis concentré sur les grands petits débats de société qui ont fait 2012, mais que vous avez peut-être déjà oublié. Des débats orchestrés par le cartel du gros bon sens que forment VTL, Québécois et les radios de Québec qui vivent du business de l'indignation. Allons-y de ce pas avec le premier de ces débats, celui sur la viande halal. En mars, l'adéquiste d'enquête Mario Dumont nous révélait à VTL que les poulets d'Olimel caquettaient vers la Mecque avant d'être abattus. Un scandale qui a sans doute convaincu Québécois d'embaucher Mario Dumont pour caqueter à LCN à l'heure où les matantes se lèvent. Et une belle occasion pour Sylvain Bouchard du FM 93 de s'indigner que les musulmans soient traités aux petits oignons halal pendant que nos petits vieux, eux, meurent ébouillantés dans leur baignoire. Les personnes âgées dans les CHSLD, là, la solution est simple. Soyez barbus noirs. Faites-vous pousser la barbe, devenez musulmans, puis noirs. Si possible, même quelques plumes sur la tête autochtone. Autochtones, noirs et barbus musulmans, automatiquement, le gouvernement va tellement avoir la chienne. Là, vous allez être bien traité. Hey, avoir su que c'était aussi simple, hein? Contrairement à son habitude, le Journal de Montréal n'a pas envoyé de journaliste déguisé en petit vieux noir musulman autochtone infiltrer un CHSLD pour tester la chose. Sans doute était-il trop occupé à trouver que Star Academy, c'est bon en tas. En avril, l'ex-ministre Yves Bolduc initiait un autre débat épineux qui allait être monté en épingle. Il se vanta de ne pas seulement divertir nos vieux avec des clowns, mais aussi en leur donnant des beaux phoques mécaniques à 6 000 $. Une idée très inspirante pour les poètes de l'opinion fast-food comme Richard Martineau. Fuck vos problèmes, fuck votre solitude, fuck votre détresse, fuck votre tristesse, voici un beau fuck. Et fuck 5 ans de recherche scientifique parce que nos préjugés nous disent que les fuck, ça ne dure jamais longtemps puis ça fait plus rire personne quand les enfants sont grands. Autre débat qui a fait vendre la copie, pas à peu près en 2012, le financement public du nouveau Colisée romain des futurs nordiques. Oui. Bizarrement, ceux qui gagnent leur vie à s'insurger qu'on paie trop de taxes et qu'on devrait tout privatiser ont trouvé que de financer le joujou d'un milliardaire, c'était ben trippant. Denis Gravel, aide-nous à comprendre. Je compare les auditeurs de Radio X, les gens de Québec, à un enfant qui demande pas grand-chose, puis qui, à un moment donné, dit « Regarde, j'ai pas demandé le Coleco quand il est sorti. J'ai pas demandé de Nintendo non plus. Mais le N64, là, j'aimerais ça l'avoir. Une fois dans ma vie, il m'a demandé un cadeau. Eh oui, les radios du vrai monde ont très bien compris que pour flatter l'opinion populaire, il n'y a rien de mieux que du pain et des jeux de Nintendo. Autre débat qui a fait vendre beaucoup de copies, celui sur la diffusion de la vidéo du meurtre commis par Luca Rocco Magnotta. Éric Duhaime s'est rapidement prononcé sur cette question en publiant sur sa page Facebook la dite vidéo au nom de la liberté d'expression et sans se soucier des répercussions sur la famille de la victime, un geste qu'il justifie avec brio. L'étudiant chinois qui a été victime de ce crime-là, sa famille, il n'y a pas de famille ici. Là, puis sa famille n'a pas accès, je pense pas. Elle ne peut pas lire notre langue. Elle ne peut pas comprendre le débat qui se passe ici. Écoutez, non, mais c'est sérieux. Hey, sont-tu chanceux, les Chinois, de ne pas être capables de comprendre Éric Duhaime? Je suis jaloux. Merci. Je vous reviens dans quelques minutes avec d'autres grands petits débats de 2022. Hey, merci beaucoup, hein, Olivier. Merci énormément. Ça fait plaisir. Vous savez, c'est maintenant un classique de se remémorer les grands disparus lorsqu'on fait une revue de l'année à la veillée. Est encore jeune, on ne fera pas différent. Non. C'est moi qui vais vous les présenter. Ah, oui? Et je vais prendre ma voix de curé. Ouais. Ah, ça veut dire que vous allez sonner un peu comme un coach, puis oui. Je vais mettre une chasuble sur mes cordes vocales. Ah, ça va être le fun. Alors, je vous demanderai quand même d'être solennel, d'ouvrir vos cœurs et d'accueillir les grands disparus de 2012. Fred, mon Dieu, c'est solennel. Hein? Ben oui, allez-y là. Ah, bon. Elle nous a quittés dramatiquement en 2012, l'ancienne ministre Bévauda. La famille conservatrice vous prie de ne pas envoyer de fleurs, mais plutôt des dons à la Fédération des producteurs de jus d'orange. Comme ils disent en anglais, rest in pulp. Nous a quittés dans la douleur cette année, la scène noire. Elle laisse dans le deuil les bouts de comptoir près des caisses chez Tim Hortons, les petites boîtes UNICEF à l'Halloween et les fontaines publiques où des losers la pitchaient pour la loque. Mais elle laisse surtout une facture de 7 millions. N'envoyez pas de fleurs et surtout ne les flushez pas dans les toilettes si vous êtes la cousine de Gilles Vaillancourt, parce que ça laisse un dépôt autour du bol, puis un dépôt, ben ça laisse des traces. A succombé récemment de multiples blessures par balle, le registre des armes à feu. Il laisse dans le deuil des millions de Canadiens et parfois Justin Trudeau. Ah, finalement non, pas Justin. Ah oui, en fait, ah, il est pas trop sûr, ça dépend à qui parle. Ont brusquement disparu du poitrail de Pauline Marois cette année, le carré rouge, ainsi que le joli coquelicot avec une petite fleur de lys dessus, laissant dans le deuil personne. Nos pensées vont encore à la famille péquiste qui a durement été éprouvée en 2012, car nous a quittés également cette année après un accouchement très difficile, les référendums d'initiative populaire de Bernard Landry, de Bernard Drinville, dis-je. On peut lire sur la pierre tombale, RIP, les RIP. Nous a quittés également dans les douleurs et les comptes impayés, le ministre mort-né Daniel Breton. Le cortège funèbre s'ébranlera de son ancien appartement pour se diriger vers le centre de tri où son héritage sera consigné. Nous a aussi quittés, lui aussi sans avoir eu le temps de marquer nos esprits, l'ancien ministre adjoint Alain Paquette. Pour ceux qui ne se rappellent pas qui est Alain Paquette, c'est-à-dire tout le monde et moi-même, il était l'idole montante du Parti libéral du Québec, mais battu sauvagement par le petit Léo Bureau-Blouin aux dernières élections, il n'aurait pas été assez ennuyant pour les Lavalois, faut croire. Nous a quittés également en 2012, après une longue maladie, l'Action démocratique du Québec n'envoyait pas de fleurs, mais plutôt 20$ directement à Jacques Duchesneau. Et finalement, s'est éteint alors qu'il était promis un bel avenir, François Rebello. N'ayant pas pu résister à se mettre le pied dans la bouche, il s'est infligé lui-même une mort lente. Son corps n'ayant pas été réclamé par aucun des partis, il erre dans les limbes de la Rive-Sud. Certains affirment l'avoir aperçu près de la nouvelle autoroute 30, mais c'était peut-être un caribou. C'était donc bien triste. Ah, c'est triste, ah oui. Et là, enfin, j'ai pleuré tout le long. Hey Fred, est-ce que vous êtes en forme encore? Ah, allez-y. Présentez-nous notre prochaine chroniqueur. Elle nous a fait découvrir en 2012 les nouvelles les plus burlesques de l'actualité, mais surtout, elle nous a fait découvrir son talent et son humour unique. Voici la chronique de Léa Strelitzky. Oh. Ah, bonsoir. Bonsoir. Je vois que vous êtes mis belle. Merci, pour, Jean-Philippe. La même couleur que les divans. Tu sais parler aux femmes, tu m'insultes, tu donnes du champagne, ça marche à tous les coups. Merci. Alors, parlez-nous de vos nouvelles. Franchement, on n'est pas juste comme ça. Mais c'est comme ça que ça marche. Bon. Vos nouvelles insolites. Mes nouvelles insolites, ben oui, comme d'habitude, je suis avec vous juste aux trois semaines, mes chers amis. Il y a bien sûr des nouvelles insolites qui se glissent entre les cracks, hein, les coquines. Je sais bien. Alors, en cette fin d'année, j'ai décidé de vous parler des nouvelles insolites que j'ai préférées en 2012 et dont je n'ai pas pu vous parler. Ah, ben c'est bien clair. Alors, premièrement, en février, un jeune Argentin entré par effraction chez un opticien a été arrêté après avoir tenté de duper la police en se faisant passer pour un mannequin du magasin. C'est mignon, hein? Oh. Ben ouais, il avait aussi mis son butin dans un sac avec un gros signe de dollar dessus, puis après, il prévoyait s'enfuir en creusant un trou jusqu'à la Chine. Vous feriez une bonne criminelle. Merci. Ouais. En mai, pour faire une blague pendant une fête, un Australien a placé un feu d'artifice allumé entre ses fesses. Ah, ça! Et c'est gravement brûlé. Ouais. Tiens donc! Tiens donc, le feu a pogné dans son bouche australien. Merci. Ouais. Je fais de l'humour engagé. Hein. Oui, c'est bien. Ça. Bon, à prime abord, ça me paraissait pas si insolite que ça comme nouvelle, parce que, ben là, on a tous déjà été à des soirées arrosées, hein, Fred, l'après-guerre, ça devait être quelque chose. Ce qui est plus vieux que nous. C'est pour ça que je dis ça. Ouais, non. Mais par contre, là où est-ce que c'est devenu un peu plus insolite, c'est ce que le policier a dit en se pointant sur les lieux. Il a déclaré, je cite, « ce qui paraissait être une bonne idée ». a finalement mal tourné, tu sais. C'est ça qui est arrivé. Le, gars, il l'a mal fait, en fait. T'sais. C'est ça, bien fait, on peut avoir du fun, là. Ben, c'est ce que je me dis. Pas de problème, en tout cas, en juin, maintenant, un couple de tortues en train de faire l'amour a été découvert dans un gisement de fossiles vieux d'environ 47 millions d'années. C'est assez gênant pour eux, je dois dire. Ce fossile constitue le plus ancien témoignage d'accouplement jamais trouvé chez des vertébrés, ainsi que la plus longue baisse de l'histoire de l'humanité. Ben oui, ben oui. 47 millions d'années, bravo Abouti, papa bon tortue, Dieu, hein, ben écoute. Oui. Les chercheurs disent ignorer de quoi seraient mortes les tortues, mais moi je pense qu'après 47 millions d'années, mon bon Jean-Philippe, c'est maman tortue qui a tout simplement assommé papa tortue, hein, 47 millions d'années, à un moment donné, rappelons qu'elle a son ménage qui attend pendant ce temps-là, ben, en plus, sais. Hein, ben son écoute, lavage, c'est le même. Même. Fin décembre, maintenant, on arrive à de nos jours, un groupe de dindes sauvages s'est établi sur le terrain d'une résidence pour personnes âgées à Ottawa et a causé tout un émoi auprès des résidents. Paraît-il. Oui, il serait, paraît-il, victime d'intimidation. Ah! Je m'excuse. Merci. Je le referai plus. Non. Ça achève. Oui, non, c'est correct. Monsieur Lorenzo Andrews, 79 ans, affirme qu'il doit se munir d'une canne lors de ses promenades afin de se défendre contre les dindes. Les oiseaux représenteraient un danger pour la sécurité routière, mais le ministère des Richesses naturelles refuse d'agir dans le dossier. Là, vous me niaisez, par exemple. Hey, on est dans le temps de Noël. Ouais. Il y a quatre dindes qui se pointent à ta porte. Vous voulez qu'un ministre s'en mêle. Hey, à un moment donné, huile d'olive, sel, poivre, là, c'est fini. On n'en parle plus. Mais non, mais une vraie farce. Ah, OK. Oh, et en conclusion, maintenant, la nouvelle la plus insolite de l'année 2012, mesdames et messieurs, c'est... Ben, c'est le lockout de la LNH. Ah, ben là! Ben oui, je trouve ça beaucoup trop absurde qu'on vous prive de hockey, les gars. Je le sais. Oh, c'est donc bien gentil, ça, Léa. Merci énormément. Eh bien, c'est déjà tout pour la première heure de ce spécial du 31 décembre. On se retrouve pour une deuxième heure complètement folle après les nouvelles. Merci.